la maisonnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam fut, à titre exceptionnel, autorisé à avoir plus de 4 épouses simultanément, et ce pour diverses raisons. Il eut 13 épouses en tout, 9 d'entre elles lui survécurent et 2 moururent de son vivant, Khadija et Zainab bint Khuzaima, appelées la mère des pauvres, Umul Masakin. 2 de ces mariages ne furent pas consommés. Nous citerons ici les noms des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les circonstances et les sagesses de ces mariages. Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, s'était marié avec elle, il était âgé de 25 ans et elle de 40. Elle fut sa première épouse et elle lui donna plusieurs enfants, mais aucun de leurs fils ne survécut longtemps, mourant en bas âge. Leurs filles furent au nombre de 4, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Zainab épousa avant l'égir son cousin maternel, Abul As ibn Abir Rabi'a. Ruqayya et Kulthum furent successivement les épouses de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, c'est-à-dire que ce dernier se maria à la seconde après le décès de la première. Fatima épousa Ali ibn Abi Talib au cours de la période comprise entre les batailles de Badr et d'Uhud. Ils eurent comme enfants Al-Hassan, Al-Hussein, Zainab et Kulthum. La deuxième épouse fut Sauda bint Zama'a, radiyallahu anha. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'épousa au mois de Shawwal de la 10e année de la mission prophétique, quelques jours après le décès de Khadija. Elle était la veuve de l'un de ses cousins paternels, As-Sakran ibn Amr. Aisha bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma. Il l'épousa lors de la 11e année de la mission prophétique, un an après son mariage avec Saouda et 2 ans et 5 mois avant l'égir. Elle avait alors 6 ans. Toutefois, le mariage ne fut consommé que 7 mois après l'égir à Médine, elle avait alors 9 ans. Ce fut la seule femme vierge qu'il épousa et c'est elle qu'il aima le plus. Elle fut la femme la plus savante de la communauté en matière de religion. Hafsa bint Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Elle avait perdu son époux Khunais ibn Hudhafa as-Sahmi dans la période se situant entre Badr et Uhud. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'épousa au cours de la 3e année de l'égir. Zainab bint Khuzaima, radiyallahu anha. Elle appartenait à la tribu des Banu Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'a, et elle fut surnommée Umul Masakin du fait de sa bienveillance et de son extrême attention à l'égard des pauvres. Elle fut l'épouse de Abdullah ibn Jahsh, qui tomba martyr à Uhud, et le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa au cours de la 4e année de l'égir, mais elle décéda 2 ou 3 mois après le mariage. Salama Hint bint Abi Umayya, radiyallahu anha. Elle fut l'épouse d'Abu Salama, qui mourut au mois de Jumad al-Akhira de la 4e année de l'égir. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'épousa au mois de Shawwal de la même année. Zainab bint Jahsh ibn Ri'ab, radiyallahu anha. Elle appartenait au Banu Asad ibn Khuzaima. Elle était la cousine paternelle du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Elle avait épousé Zayd ibn Haritha, qui était alors considéré comme le fils adoptif du prophète, alayhi salatu wassalam. Cependant, Zayd la répudia. Allah révéla un verset à ce sujet. « Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. » Sourate 33, verset 37, selon le sens du verset. Des versets de la sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, furent descendus à son sujet. Ils traitent en détail de la question de l'adoption d'enfants que nous aborderons plus loin, Incha'Allah. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'épousa au mois de Dhul-Qi'ada de la 5e année de l'égir. Juwayriya bintul Harith, radiyallahu anha. Al-Harith était le chef du clan des Banu al-Mustaliq de la tribu de Khuza'a. Juwayriya fut faite captive par les musulmans après leur victoire sur les Banu al-Mustaliq. Elle échut en partage à Thabit ibn Qais ibn Shammas. Elle s'engagea à payer le prix de son affranchissement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'en acquitta à sa place et l'épousa au mois de Sha'ban de la 6e année de l'égir. Habiba, il s'agit de Ramla bint Abi Sufyan, radiyallahu anhuma. Elle fut d'abord l'épouse de Ubaydullah ibn Jahsh. Elle émigra avec lui en Abyssinie. Lorsque Ubaydullah apostasia et devint chrétien, elle resta fermement attachée à l'islam et refusa de le suivre. Entre-temps, Ubaydullah mourut. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dépêcha au mois de Muharram de la 7e année de l'Hégire, Amr ibn Umayya ad-Damri chez le Négus, porteur d'une lettre où il demandait au roi la main d'Umm Habiba. Le Négus accepta et il l'envoya auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en compagnie de Shurahbil ibn Hassana. Safiya bint Huyay ibn Akhtab, radiyallahu anha. Elle était juive et elle fut emmenée en captivité après la bataille de Khaybar. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'affranchit avant de l'épouser en l'an 7 de l'Hégire. Maymouna bintul Harith, radiyallahu anha. Elle était la sœur d'Umul Fadl, Lubaba bintul Harith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'épousa après la Umra de compensation au mois de Dhul-Qi'da de la 7e année de l'Hégire. Ces 11 femmes furent celles que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, épousa et avec lesquelles il consomma le mariage. Les deux épouses avec lesquelles il ne consomma pas son mariage appartenaient l'une au Banu Kilab et l'autre au Kinda, et cette dernière était surnommée Al-Juwayniya. Il eut deux concubines. La première fut Mariya, la copte, que lui avait envoyée Al-Muqawqis, le gouverneur d'Égypte, radiyallahu anha. Elle donna naissance à son fils Ibrahim, qui mourut en bas âge à Médine le 28 ou le 29 du mois de Shawwal de l'an 10 de l'Hégire, c'est-à-dire le 27 janvier 632 de l'ère chrétienne. La seconde fut Rayhana bint Zayd des Banu Nadir ou des Banu Qurayza, radiyallahu anha. Elle fut faite captive lors de la bataille des Banu Qurayza. Selon certains, le prophète alayhi salatu wassalam l'avait choisie comme part de butin. Pour d'autres, il l'a affranchie et épousée. Cependant, Ibn al-Qayyim accorde plus de crédit à la première information. Abu Ubaida a parlé de deux autres concubines. La première était Jamila, une captive, et la seconde était une esclave que lui avait offerte Zaynab bint Jahsh. Quiconque méditera sur la vie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comprendra que ses nombreux mariages durant les dernières années de sa vie, après qu'il eut passé presque 30 ans de sa jeunesse et de sa vie d'homme aux côtés d'une seule femme, de surcroît beaucoup plus âgée que lui, Khadija, et ensuite Saouda, n'étaient en rien dictés par un désir exacerbé. Ils furent en fait motivés par des visées plus hautes et plus nobles que celles qui président à la plupart des mariages. Concernant ses mariages avec Aïcha et Hafsa, de même que le mariage de sa fille Fatima avec Ali ibn Abi Talib et de ses filles Ruqayya et Kulthum avec Othman, il s'agissait d'établir de façon durable des liens solides avec Abu Bakr, Omar, Ali et Othman, dont les sacrifices et les grandes réalisations au service de l'islam sont bien connus. Il ne faut également pas omettre de rappeler la tradition arabe consistant à honorer les liens avec la belle famille. Pour les Arabes, l'alliance par la voie du mariage était un moyen de consolider les liens entre divers clans. Les guerres contre des clans ou des tribus avec lesquelles existaient des liens de parenté par alliance constituant une honte impardonnable et une source de disgrâce. En épousant les mères des croyants, le prophète alayhi salatu wassalam voulait briser l'hostilité des tribus arabes à l'encontre de l'islam et éteindre le feu de leur haine. Ainsi, le mariage du messager d'Allah alayhi salatu wassalam avec Salama produisit-il de bons résultats. Salama appartenait au clan des Banu Marzoum, c'est-à-dire le clan d'Abu Jahl et de Khalid ibn al-Walid. Ce mariage conclu, Khalid ne se conduisit plus comme il l'avait fait lors de la bataille d'Uhud. Peu de temps après, il opta volontairement pour l'islam. De même, Abu Sufyan ne manifesta plus d'hostilité à l'égard du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, après son mariage avec sa fille Habiba. Les mariages contractés avec Juwayriya et Safiya amenèrent également les deux tribus auxquelles elles appartenaient à cesser leurs provocations et leurs agressions contre l'islam. Juwayriya fut de surcroît une source de bénédiction pour son propre peuple. En effet, à l'occasion de son mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans affranchirent une centaine de familles de son peuple, les Banu al-Mustaliq, qu'ils gardaient en captivité. Ils dirent « Ce sont les parents du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ». Et il n'est pas besoin de dire quel impact formidable eut ce geste de clémence dans les esprits. Allah voulait surtout que son prophète alayhi salatu wassalam éduque et purifie l'âme de peuple qui ne connaissait pas alors les règles relatives à la culture, à la civilisation et à la participation, à l'établissement et à la consolidation de la société. Une des règles de vie fondamentales de la société musulmane et d'éviter la mixité et les contacts inutiles entre hommes et femmes. Par conséquent, le prophète alayhi salatu wassalam devait choisir et instruire certaines femmes d'âges et de talents différents afin qu'elles enseignent la législation et les règles de l'islam aux autres femmes. Cet enseignement était destiné à toutes les femmes, bédouines et citadines, jeunes et moins jeunes. Les mères des croyants, c'est-à-dire les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, étaient donc dans une situation parfaitement adéquate pour remplir ce rôle de propagation de l'islam auprès des autres femmes. Étant particulièrement bien formées dans la religion, ces femmes, notamment celles qui lui ont survécu, jouèrent un rôle très important dans la transmission aux gens des états du prophète alayhi salatu wassalam dans son foyer. Aïcha, par exemple, a rapporté un grand nombre de ses paroles et actes. Le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec sa cousine paternelle Zainab bint Jahsh fut un cas particulier qui visait à éradiquer une tradition pré-islamique profondément ancrée dans les mentalités, à savoir le fait qu'un enfant adoptif était considéré comme un véritable enfant par filiation en matière de droit. Il n'était pas aisé d'éliminer cette tradition de la Jahiliya qui allait à contre-courant des principes islamiques, notamment dans le domaine du mariage, du divorce et de l'héritage. Et l'islam est venu éradiquer cette tradition qui était à l'origine de corruption et d'immoralité. C'est dans ce but que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a reçu l'ordre de la part d'Allah d'épouser sa cousine Zainab bint Jahsh, l'ex-femme de Zayd. Ce dernier avait divorcé d'avec elle tellement les désaccords entre eux étaient grands, et ce à l'époque où les confédérés, al-Ahzab, s'étaient ligués contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et les musulmans. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, craignit que les hypocrites, les idolâtres et les juifs ne se servent de ce mariage pour alimenter leur propagande anti-islamique, déstabilisant ainsi les musulmans à la fois fragiles. C'est pourquoi avait-il incité Zayd à ne pas se séparer de Zainab dans l'espoir d'éluder cette épreuve. Il va sans dire que cette hésitation et cette partialité étaient étrangères à la résolution qui caractérisait le tempérament du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah le blâma pour cette attitude dans le verset suivant. « Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. » Sourate 33, verset 37 selon le sens du verset. Finalement, Zayd divorça de Zainab et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'épousa à l'époque où il assiégeait les Banu Qurayza et après l'expiration de sa idda, son délai de viduité, c'est-à-dire la période d'attente qu'une veuve ou une divorcée doit observer avant de se remarier. Allah lui ordonna ce mariage, ne lui laissant aucune autre alternative. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Sourate 33, verset 37, selon le sens du verset. Il fallait briser par la pratique cette mauvaise tradition d'adoption après l'avoir prohibée par le Verbe. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Sourate 33, versets 4 et 5, selon le sens des versets. De façon générale, l'on peut dire que la plupart des traditions bien ancrées ne peuvent être réformées ou supprimées par de simples mots. Elles doivent être combattues au moyen de l'action par le réformateur lui-même. Cette puissance de la mise en pratique des paroles se matérialisa lors d'un incident qui s'était produit après la ratification du traité d'Al-Hudaybiyah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait ordonné d'égorger les animaux de sacrifice que les musulmans avaient emmenés en vue de la Umrah. Les compagnons étaient tellement démoralisés de n'avoir pas pu effectuer celle-ci qu'ils refusèrent d'exécuter cet ordre, ce qui rendit le prophète alayhi salatu wa sallam anxieux. Pourtant, parmi ses compagnons, se trouvaient ceux que Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi avait vu recueillir l'eau de l'ablution du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se querellant presque pour avoir cet honneur. Il y avait également ceux qui avaient rivalisé entre eux dans le domaine du courage pour s'engager à mourir pour l'islam ou pour ne pas fuir du champ de bataille. Et d'éminents compagnons étaient aussi présents, comme Omar et Abu Bakr, qui consacrèrent presque toute leur vie au prophète alayhi salatu wassalam et à la cause de l'islam. Cependant, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam prit lui-même l'initiative de sacrifier ses propres animaux sur le conseil d'Umm Salama, ses partisans se hâtèrent de suivre son exemple. Et cette anecdote prouve clairement que les actions sont plus à même d'éradiquer une tradition fermement établie que de simples paroles. Les hypocrites saisirent l'occasion de ce mariage pour mener une propagande contre le prophète alayhi salatu wassalam. Celle-ci influença les musulmans à la foi encore faible. Il faut souligner que les musulmans n'avaient pas le droit, conformément aux préceptes du Coran, de prendre plus de 4 femmes à la fois. En outre, Zayd était considéré traditionnellement comme le fils du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui rendait un tel mariage abominable aux yeux des Arabes. Dans la sourate 33, les coalisés, Allah révéla à propos des deux questions de quoi convaincre et persuader. Les compagnons surent, après une telle révélation, que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas d'impact sur la démarche empruntée par l'islam et qu'Allah le Très-Haut avait permis à son messager alayhi salatu wassalam en matière de mariage ce qu'il n'avait permis à personne pour des raisons aussi bien exceptionnelles que nobles. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours fait preuve d'un excellent et noble comportement envers ses épouses. Ses femmes, quant à elles, étaient des modèles de dignité, de contentement, de patience, d'humilité, de serviabilité et de dévouement conjugal. Bien que la vie quotidienne dans la maisonnée du prophète alayhi salatu wassalam pût sembler dure et insupportable pour la plupart des gens, aucune de ses épouses ne s'en plaignait. Anas a dit à propos de la vie quotidienne du prophète alayhi salatu wassalam: « À ma connaissance, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais goûté à un pain blanc jusqu'à sa mort. Il n'a jamais vu de ses yeux un agneau rôti. » Aïcha a dit: « Nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, jusqu'à 3 nouvelles lunes en 2 mois, sans qu'on ait allumé un feu pour faire la cuisine dans les maisons de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. » Orwa lui dit: « Que mangiez-vous alors ?» Elle dit: « Les deux noirs, les dattes et l'eau. » Nombreux sont les récits qui témoignent de la simplicité de la vie que menait le prophète, alayhi salatu wassalam. En dépit de la sobriété de leur vie, aucune des épouses du prophète alayhi salatu wassalam ne songea à se plaindre, sauf une seule fois. Cette exception était due à des inclinations instinctives tout à fait humaines. Toutefois, cela ne fut pas grave et ne donna pas lieu à l'édiction d'une règle, d'un hukm. Allah donna aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam le choix entre 2 options, comme cela est clairement indiqué dans les versets suivants. « Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. » Sourate 33, versets 28 et 29, selon le sens des versets. Mais elles étaient si nobles et honnêtes qu'aucune d'elles ne préféra la vie d'ici-bas et sa parure à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'elles aient été nombreuses, fort rares étaient les disputes entre elles, contrairement au climat tendu que l'on constate souvent entre des coépouses. Et lorsqu'Allah leur reprocha un tel comportement, elles y renoncèrent. Allah dit, selon le sens des versets, « Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite ? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître, et c'est lui l'omniscient, le sage. » Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, et qu'elle l'eût divulgué et qu'Allah l'en eût informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit: « Qui t'en a donné nouvelle ?» Il dit: « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. » Sourate 66, versets 1 à 5. Enfin, il n'est pas besoin d'étudier les fondements de la polygamie. Quiconque prête attention à l'avis des Européens qui s'attaquent violemment à la réalité de tels fondements observe les malheurs et l'amertume dont ils souffrent, ce qu'ils font comme scandales, bassesses et crimes odieux, ce à quoi ils sont confrontés comme épreuves et agitations du fait de leur rejet de la polygamie, n'a plus besoin de recourir à l'étude et à la démonstration. La vie de ces Européens apporte la meilleure preuve de la pertinence de la polygamie, et il y a là une leçon à tirer pour ceux qui savent observer.